أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار que nous devons, en tant que musulmans, appliquer. C'est une application directe du tawhid. Nous ne pouvons oublier nos frères qui sont en prison, sous prétexte qu'ils sont en prison. Je veux dire, de grands savants de notre umma, on se sont retrouvés à un moment ou à un autre en prison. On peut citer Ibn Taymiyyah, on peut citer l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam Malik. Pourtant, aujourd'hui, ce sont des références pour nous. Et depuis 2001, nous vivons sur ce qu'on appelle, ce que les autorités américaines appellent la guerre contre la terreur. Cinq jours après les événements du 11 septembre, George Bush a déclaré « Cette croisade, cette guerre contre la terreur prendra du temps. » Alors pour l'ouverture de sa cellule, actuellement elle est en prison de Mons. Il doit avoir toujours donc trois agents. Donc c'est stressant pour lui, humiliant, parce qu'il doit téléphoner, il ne peut pas sortir de sa cellule s'il n'y a pas trois agents pour l'accompagner, même pour la visite. Et comme les agents ne sont pas tout le temps disponibles parce qu'il y a beaucoup de travail, donc il doit attendre. Personne ne peut s'imaginer les affres de la détention. Ce sont des familles brisées, ce sont des couples désunis, des épouses qui pleurent dans les parloirs et des mamans qui ne mangent plus. Rien que cette phrase nous montre toute la dureté et la souffrance que subissent les membres de la famille des prisonniers. Parce que le prophète Hassan m'a dit assurer la libération des captifs apportée par Bukhari. En effet, les savants ont dit si l'État devait dépenser son trésor entier pour payer la rançon des captifs musulmans, cela ne serait pas considéré comme étant excessif. Et là, vous trouvez dans un luxe, on vous prive d'une certaine liberté, vous punir, mais en fait vous tombez dans une liberté sans limite qui est celle d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Une liberté que j'ai jamais trouvée alors que j'étais dehors. Jamais. Et

وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Chers frères et sœurs, salam alaikum. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir répondu toutes et tous présents à notre invitation. Ça nous fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse à cette thématique qui est pourtant assez méconnue et parfois même marginalisée. Barakallahu fikoum. Ça prouve qu'il y a un réel esprit de la Oumma qui est toujours existant et que malgré ce qu'on peut voir, l'avenir s'annonce bien, Inch'Allah. Ensuite, je tiens à remercier nos différents invités, enfin nos différents intervenants, pardon, qui ont bien voulu se déplacer et sont venus nous faire partager leur expertise sur le sujet. Jazakumullah. Enfin, je remercie personnellement toute l'équipe du CRM pour avoir fait en sorte que cette conférence puisse avoir lieu, et notamment les sœurs qui, mashallah, réalisent un travail d'exception. Barakallahu fikoum. Alors, je vais commencer, Inch'Allah, par vous présenter le déroulement de cette conférence. Alors, tout d'abord, je vais commencer par une brève introduction où je vais expliquer ce qu'est le CRM. Ensuite, je vais céder la parole à notre frère Arnaud de Cage Prisoners, qui est une ONG implantée à Londres. Notre frère est diplômé en droit, diplômé universitaire en droit, pardon, et qui va nous parler de cette problématique au niveau institutionnel. Il va nous expliquer comment est-ce que, enfin, la façon dont c'est une politique, en fait, ce n'est pas des cas isolés qui font la une des journaux, mais c'est vraiment toute une politique qu'il y a là derrière, et que le problème est bien plus grand que ce qu'on en pense. Ensuite, Inch'Allah, ce sera l'épouse de notre frère Nizar Trabelsi, que vous connaissez tous. On sait tous comment il est retenu dans la plus grande des injustices. Inch'Allah, elle va témoigner de ce qu'elle vit au quotidien et nous montrer comment est-ce que, en tant que proche, elle ressent ça. Ensuite, notre sœur Oum Yahya va nous expliquer, va nous parler de la problématique des femmes prisonnières, qui est aussi une thématique assez méconnue. Donc voilà, ça sera pour le programme, Inch'Allah. Ensuite, il va y avoir une pause. Juste avant la pause, je vais vous expliquer un peu comment elle va se dérouler. Et ensuite, à la reprise, ce sera au tour de notre frère Bilal de Saint-Nabil, qui lui va plus nous parler de son travail au quotidien, de son association qui fait un travail au quotidien avec les prisonniers. Et enfin, pour conclure, ce sera notre frère Habib qui va nous donner des moyens concrets de s'intéresser à la question et d'agir. Enfin, donc le CRM. Alors le CRM, c'est un groupe, comme son nom l'indique, un groupe de réflexion composé de jeunes musulmans et musulmanes, essentiellement bruxellois, qui a vu le jour suite à des événements qui ont fait que ces personnes ont pu se rencontrer, discuter de leurs différents points de vue, et se sont rendus compte, en fait, qu'ils partageaient pas mal de points communs sur les idées. De là est née par la suite une forte envie entre ces jeunes de travailler ensemble et de développer un discours qui véhicule une vision de l'islam qui malheureusement est assez absente du milieu de la prédication, pour ne pas dire inexistante. Et suite à cela, ils ont décidé de travailler cette vision. Cette vision consiste en l'élaboration d'une grille de lecture qui se veut, Inch'Allah, épurée de toute doctrine tout principe ou toute valeur qui ne trouve pas sa source dans l'islam. Pour ce faire, après de longues discussions et mûres réflexions, les membres du CRM donc ont décidé de mener ce travail autour de trois axes principaux. Ces trois axes sont l'authenticité, la réflexivité et l'identité. Alors, concernant l'authenticité, il s'agit donc de revenir au message authentique de l'islam, comme je l'ai dit, de le purifier de tout ce qui a pu venir l'entacher à travers l'histoire. Et cela demande un travail très rigoureux, car il s'agit aussi de dissocier ce qui fait partie des fondements de l'islam, de la aqida, de ce qui est de la jurisprudence, par exemple, ou d'autres sciences islamiques, car notre travail consiste vraiment à travailler sur les fondements de l'islam, ce qui est accessible à tous, ce dont il ne peut y avoir de divergence. Donc voilà, ça c'est pour l'authenticité. Ensuite, le deuxième point, c'est la réflexivité. Alors, la réflexivité, c'est ce qui va nous permettre de comprendre le contexte dans lequel nous vivons. Cela demande une profonde analyse de l'histoire, un examen de l'actualité, comprendre l'influence qu'a sur nous le contexte et également la façon dont on influe nous-mêmes sur ce contexte. Et aussi, d'un point de vue psychologique, essayer de comprendre comment l'islam est perçu par les non-musulmans et comment nous-mêmes, en tant que musulmans, nous les percevons. Donc tout ça va nous permettre, Inch'Allah, de développer par la suite une grille de lecture islamique sur le contexte. J'en viens à l'identité. L'identité, c'est ce qui va nous permettre justement de faire cette corrélation entre l'authenticité et la réflexivité. Ça va vraiment nous permettre de nous définir nous-mêmes en appliquant les fondements de l'islam et également de définir notre rôle en comprenant le contexte dans lequel nous vivons, donc en utilisant la réflexivité. Tout ça dans le but de comprendre les nouvelles formes d'égarement, de comprendre les nouvelles formes de shirk, d'association, de ta'out, afin de mieux appliquer le tawhid. Il fut un temps où le shirk était très visible, c'était quelque chose de concret. Aujourd'hui, malheureusement, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus abstrait, et ça se cache souvent derrière des idéologies. Donc ça, c'est pour la partie tawhid. Mais après, il va falloir aussi travailler à appliquer les implications directes du tawhid, que sont l'alliance et les désaveux. L'alliance, il faut bien comprendre que dans ce contexte libéral masqué derrière une pseudo-démocratie qui pousse de plus en plus vers l'individualisme, c'est très difficile de comprendre cette notion et de l'appliquer au jour le jour. De même pour le désaveu, dans un contexte de mondialisation, la réflexivité va réellement nous permettre de déceler, de comprendre ce que c'est réellement et de l'appliquer. Tout ça, Inch'Allah, il s'agit d'abord pour nous-mêmes d'assimiler cette matière et ensuite de la propager au maximum et ainsi de faire notre devoir qui est d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, Inch'Allah. Donc la thématique d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous avons choisi cette thématique ? Eh bien, pour passer un peu de la théorie à la pratique et vraiment montrer que le concept d'alliance, c'est une réalité, c'est quelque chose que nous devons, en tant que musulmans, appliquer. C'est une implication directe du tawhid. Nous ne pouvons oublier nos frères qui sont en prison, sous prétexte qu'ils sont en prison. Je veux dire, de grands savants de notre umma, on se sont retrouvés à un moment ou l'autre en prison. On peut citer Ibn Taymiyyah, on peut citer l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullah, l'imam Malik. Pourtant, aujourd'hui, ce sont des références pour nous. En tant que musulmans, nous pouvons les oublier et nous devons, c'est un devoir pour nous, une obligation de leur apporter tout notre soutien et de tout faire, Inch'Allah, pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Donc voilà, ça c'était, Inch'Allah, pour la présentation. Désormais, Inch'Allah, je vais céder la parole à notre frère Arnaud de Cage Prisoners, Inch'Allah. Donc, comme je vous l'ai dit, qui va nous parler du problème en tant que politique, en tant que structure, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد Fukulani. C'est une injonction que notre prophète Mohammed nous a donnée. Et c'est sans doute une des obligations les plus négligées de nos jours. Pourquoi ? En raison principalement du contexte dans lequel on vit. Comme l'a expliqué le frère Zakaria, ce contexte influe sur la manière dont nous appliquons l'islam. Et depuis 2001, nous vivons sur ce qu'on appelle, ce que les autorités américaines appellent la guerre contre la terreur. 5 jours après les événements du 11 septembre, George Bush a déclaré « Cette croisade, cette guerre contre la terreur prendra du temps. » Donc c'est important de comprendre qu'est-ce que la guerre contre la terreur, ou ce que c'est cette croisade, comme il l'a appelé. Donc, pour mettre en place cette guerre contre la terreur, immédiatement, les autorités américaines ont mis en place ce qu'ils ont appelé le programme de rendition extraordinaire. C'est un programme mis en place par la CIA, et ce n'est pas la théorie du complot, c'est quelque chose qui est documenté. Vous avez des rapports du Conseil de l'Europe, des rapports d'organisation de défense de l'homme, etc. Donc, c'est 100% vrai. Ce programme, qu'est-ce que c'est ? Ce programme consistait à kidnapper des individus dans des pays quelconques et de les balader d'un pays à un autre pour se faire torturer, pour se faire interroger. Et donc ces pays, c'est pour ça que vous avez par exemple l'exemple du frère Moussa. Comment un Belge d'origine marocaine peut être kidnappé au Pakistan, envoyé en Afghanistan, puis envoyé à Cuba? Comment est-ce possible? On nous dit souvent que les musulmans font partie de ce grand réseau, un réseau d'extrémistes, un individu au Royaume-Uni qui connaît cet individu au Maroc, qui connaît cet individu en Syrie, qui connaît cet individu au Pakistan. Et vous avez là un réseau d'extrémistes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les autorités occidentales, arabes ou quelles qu'elles soient, ont également un réseau. Et c'est un réseau où ils partagent les informations obtenues sous la torture et ensuite s'en servent pour placer les gens en prison, placer les gens sous surveillance ou même les tuer, comme on le voit maintenant avec les drones. Donc, et ce qu'il faut comprendre encore, c'est que ce sont des programmes, c'est-à-dire rien n'est laissé à l'improvisation. Donc si vous regardez le programme de rendition extraordinaire, vous avez des manuels qui enseignaient aux soldats américains comment traiter les individus kidnappés dès le moment où les ont entre les mains. Donc on vous explique qu'il faut les plaquer au sol, on va les découper leurs habits, on va leur donner un sédatif, on va leur mettre une couche et ensuite on va les placer dans un avion et les envoyer en Égypte, en Jordanie, au Maroc, en Pologne, n'importe où, se faire interroger, se faire torturer et ensuite finir à Guantanamo. Donc Guantanamo, c'est la phase visible de ce programme. Et donc si vous vous rappelez, Guantanamo, vous avez à peu près 800 personnes qui sont passées par Guantanamo et elle nous a expliqué que c'était les pires des pires, les pires des terroristes. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces 800 personnes, l'immense majorité ont été relâchées sans aucune accusation, sans aucun procès. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont libres. Sur ces 800, aujourd'hui, il y en a 166 qui sont toujours à Guantanamo. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder le statut de ces 166 personnes qui sont toujours à Guantanamo. Et les autorités américaines elles-mêmes ont jugé que parmi ces 166 personnes, 86 devaient être relâchées immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien contre eux. Le problème qui se pose, c'est que ces individus n'ont aucun pays où retourner. S'ils retournent dans leur pays, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Yémen, que ce soit l'Arabie Saoudite, ils seront torturés encore, puisqu'ils ont déjà été torturés. Donc, ça, ce sont 86 personnes qui sont détenues depuis 11 ans sans charge, sans accusation, sans procès. Ensuite, vous avez 46 personnes dont les autorités américaines ont jugé, qui n'avaient aucune preuve contre eux, qu'on ne pouvait pas les juger, mais ce sont des gens qui sont trop dangereux et qui ne seront jamais relâchés. Et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala a tout pouvoir, et Allah subhanahu wa ta'ala qui libère ses frères immédiatement. Donc je ne sais pas si on comprend la folie de la situation. Ce sont des gens contre qui on n'a aucune preuve, on peut pas les juger, mais il y a cette dangerosité. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien commis, mais ils pourraient commettre. Mais il n'y a aucune preuve. Et ça fait 11 ans qu'ils sont torturés, loin de leur famille, loin de leurs enfants. Certains n'ont jamais vu leurs enfants. Il y a un frère, c'est le dernier résident britannique qui est à Guantanamo, Shakir Ahmed. Il n'a jamais vu son dernier enfant. Et ce qu'il faut savoir, très peu de médias en parlent, mais en ce moment à Guantanamo, il y a une grève de la faim qui est une réaction à quelque chose qui est courant à Guantanamo, c'est-à-dire la violation du Coran. C'est-à-dire des gardes jettent le Coran dans les toilettes, par terre, les piétinent, etc., etc. Les frères qui n'ont aucun moyen de se défendre, si ce n'est d'arrêter de manger. Et ça fait, je crois, c'est le 70e jour aujourd'hui qu'ils sont en grève de la faim. Donc ce sont des frères qui risquent de mourir aujourd'hui, demain ou après-demain, la qatar Allah. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est que Guantanamo, c'est quelque chose qui est au vu et au-dessus de tous. Personne ne peut dire je connais pas Guantanamo, j'ai jamais entendu parler de Guantanamo. Mais le truc, c'est qu'on est devenu tellement passif que ça arrive devant nous et rien. Où sont les manifestations, où sont les lettres, etc., etc. C'est-à-dire, ce sont des frères qui n'ont commis aucun crime et qui ne sont pas terroristes. Ils sont pas terroristes. D'après les autorités américaines elles-mêmes. Donc quel est le gain de cette politique? Je parlais d'un réseau de complicité, des services de sécurité occidentaux et arabes. Il y a un individu que peut-être certains d'entre vous connaissent, Ibn Sheikh Halibi. Ibn Sheikh Halibi, subhanallah, c'est quelqu'un qui a... La torture qu'il a subie, c'est quelque chose d'extraordinaire, de tristement extraordinaire. Quelqu'un qui a été torturé au Maroc, au Pakistan, en Afghanistan, dans bien d'autres pays, certains pays dont on ignore même l'existence. On ne connaît pas l'intégralité des pays dans lesquels il a été envoyé. C'est quelqu'un qui a été renvoyé à Kadhafi à ce temps-là, et c'est quelqu'un qui est mort dans sa cellule. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les choses qu'il a été forcé de dire, c'est que l'Irak avait des armes de destruction massive, que l'Irak était lié à Al-Qaïda, etc., etc. Et c'est-à-dire que sur la base de ces aveux forcés, les États-Unis ont décidé d'envahir l'Irak. C'est-à-dire qu'on s'est servi de ce réseau de torture pour justifier des guerres, pour justifier d'autres arrestations, pour justifier d'autres actes de torture. Donc faut bien comprendre que c'est les résultats ou les conséquences ne sont pas subies que par ces individus, mais c'est quelque chose qui a une répercussion à l'échelle de pays ou de régions entières. Donc Guantanamo, en 2008, Obama a signé un acte, a dit Guantanamo sera fermé d'ici un an. Guantanamo, 4 ans plus tard, est toujours ouvert. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Obama a libéré moins de prisonniers que George Bush. Il y a très peu de prisonniers qui ont été libérés sous Obama. Et certains disent le seul moyen de sortir de Guantanamo, c'est soit en faisant de faux aveux, soit, soit dans un cercueil. Certains frères, ce crâne-là, après 10 ans d'incarcération, sont morts à Guantanamo. Et leur corps sont toujours... certains ont été renvoyés, certains sont toujours... On ne sait pas trop. Donc, et ça encore, c'est pour la... Guantanamo, c'est la face visible de cet iceberg. Mais par exemple, qui se souvient d'Abu Ghraib? On se souvient tous des photos d'Abu Ghraib. Mais qui se demande ce que sont devenus ces prisonniers? En Irak, les États-Unis ont été beaucoup plus malins que Guantanamo. Guantanamo, c'est quelque chose au vu aussi de tous et qui les dérange. En Irak, ils ont transféré 16 000 prisonniers qui ont été kidnappés, hommes, femmes, aux autorités locales irakiennes. C'est-à-dire que on parle des 166 qui sont toujours à Guantanamo, mais qui parle des 16 000 qui sont en Irak? Et si vous regardez ce qui se passe, on travaille sur une affaire en ce moment. Est-ce que, d'après les rapports que l'on a, les rapports directs de détenus, la situation actuellement en Irak, dans les prisons irakiennes, est pire que ce qu'elle était sous le contrôle américain? Je crois 200 personnes vont être exécutées, la part d'Allah. Et 100 personnes ont déjà été exécutées. On ne connaît ni leur nom, ni on sait juste que ce sont des suspects, des terroristes suspects. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que encore une fois, ces individus n'ont jamais été prouvés criminels, terroristes ou quoi que ce soit. En fait, si vous regardez bien, il y a le cas d'Abu Zubaydah. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Abu Zubaydah, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a été arrêté, les autorités américaines ont dit « Nous avons attrapé le numéro 3 d'Al-Qaïda. » Numéro 3 ou numéro 2 d'Al-Qaïda. Il y a à peu près 2 ans, ils ont dit « Non, désolé, on s'est trompé. Il n'était pas numéro 3 ni numéro 2 d'Al-Qaïda. En fait, il ne fait même pas partie d'Al-Qaïda. » Mais c'est un de ces individus dont les États-Unis ont jugé qu'il avait commis aucun crime, mais il est trop dangereux pour être relâché. Donc, vous avez ce programme de rendition extraordinaire. Vous avez Guantanamo, Abu Ghraib, Bagram et toutes ces prisons secrètes. Mais vous avez également des conséquences ici, en Europe. Si vous prenez par exemple les gouvernements, en réaction à cette guerre contre le terror, ont adopté toute une série de lois, de politiques, qui explicitement ne visent pas les musulmans, mais dans les faits, les seuls à être concernés sont les musulmans. Si par exemple, on va prendre la France, et je pense que c'est vraiment similaire en Belgique, la loi qui permet l'incarcération de la plupart des musulmans en France, qui sont accusés de terrorisme, c'est une loi qui s'appelle Association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Maintenant, quand on entend ça, on se dit, il y a un complot, il y a une attaque en préparation, etc., etc. C'est pas ça du tout, en fait. Le but de cette loi, c'est de prévenir les attentats. C'est-à-dire qu'on va vous juger sur vos intentions ou vos intentions supposées. On va regarder quelles sont vos connaissances, est-ce que ces personnes sont suspectes ou non, et sur cette base-là, on va juger. Êtes-vous un terroriste potentiel? Et on va vous donner 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10 ans de prison. Et il y a le cas d'un frère que vous connaissez peut-être, Jamel Begal. Quelqu'un qui était kidnappé aux Émirats Arabes Unis, torturé de la manière la plus horrible, des choses indescriptibles, pendant 3 mois. Pendant 3 mois, les services de sécurité du monde entier vont se relayer pour l'interroger. Les Français, les Britanniques, les Israéliens, les Égyptiens, les Américains. Pour qu'au final, on le renvoie en France le 1er octobre 2001. Je raccourcis. Il sera condamné à 10 ans de prison. Ce qui est intéressant, c'est quand on lit ce que la cour a jugé, c'est qu'au début, on nous dit Jamel Begal prépare un attentat contre l'ambassade américaine et le centre culturel américain. Mais quand on lit la décision de la cour, on nous dit que Jamel Begal, il n'y a aucune preuve qu'il préparait un attentat. La seule preuve que l'on a, c'est des déclarations qu'il a fait aux Émirats Arabes Unis. Elles sont des déclarations qui ne sont pas admissibles. Pourquoi? Parce qu'elles ont été obtenues sous la torture. Autrement, il n'y a aucune preuve de la préparation d'un attentat. En revanche, ce qui a été prouvé, et c'est ce que la Cour dit, c'est qu'il a été prouvé par l'enquête que cet individu appartient à la sphère islamiste radicale, celle qui vise à déstabiliser les pays occidentaux et Israël. Donc qu'est-ce qu'on a jugé dans cette affaire? Il n'y a pas d'attentat, personne n'a été tué, personne n'a été blessé. Ce qu'on a jugé dans cette affaire, c'est son idéologie. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que cette guerre contre la terreur, c'est une guerre... George Bush a bien choisi ses mots, bien qu'il soit rétracté quelques jours plus tard, il a dit que c'est une croisade. C'est-à-dire que c'est une guerre d'idéologie, une guerre d'idées, etc., etc. Donc vous avez, par exemple, le Royaume-Uni, vous avez, c'est sans doute le pays où ça a été poussé à l'extrême. Vous avez toute une série de lois au Royaume-Uni qui permettent d'incarcérer les gens, de les placer sous résidence surveillée. Mais tout ça, sans qu'ils soient vraiment jugés, puisque c'est jugé par une cour, qui est une cour en fait secrète. C'est-à-dire qu'on vous accuse, on vous dit vous êtes un extrémiste, vous êtes un terroriste potentiel. Donc ok, où sont vos preuves? Et on ne peut pas vous dire, parce que ce sont des preuves qui sont issues des intelligences, comme vous disiez, issues des services secrets. Donc c'est quelque chose qui est discuté derrière des portes closes, mais vous n'êtes pas invité à la table des négociations. Donc on vous place en résidence surveillée, on vous place en prison, ou on vous place sur des listes de sanctions. Quelque chose de plus récent, on vous retire votre nationalité. Pourquoi? Parce que vous êtes un extrémiste. Et encore une fois, très difficile parce que on vous dit « Ok, prouvez-moi que je suis un extrémiste ou que je suis un terroriste. » etc., etc., mais c'est quelque chose qui est discuté derrière des portes closes, donc vous n'avez pas accès à ça. Et récemment, il y a eu l'affaire du frère Mahdi Hashi, qui est arrivé en tant que réfugié au Royaume-Uni à l'âge de 5 ans, de Somalie, à l'époque la Somalie était déjà en guerre, et donc c'est un citoyen, il devient citoyen britannique, et il y a quelques mois, la famille de Mahdi Hashi vient voir Case Prisoners et lui dit: voilà, Mahdi est retourné vivre en Somalie parce qu'il était harcelé par les services de sécurité. Il n'a pas pu supporter, il est retourné vivre en Somalie. Et on a reçu un coup de fil de Somalie et on nous a dit qu'il a disparu, il a été kidnappé. Et quelqu'un qui vient juste d'être relâché de prison nous a informé qu'il était aux mains des Américains et qu'il allait être jugé dans 2 semaines par un tribunal militaire. Donc c'est quelque chose... une histoire assez étrange. Donc on oriente la famille vers un avocat, on contacte les ambassades, etc., etc. L'ambassade américaine, non, Mahdi Hashi, on n'a jamais entendu parler, on ne l'a pas. Les Britanniques, on lui a retiré sa nationalité, donc on n'a plus rien à faire avec lui. Donc pendant plusieurs mois, rien ne se passe. Et soudainement, je crois que c'était le 24 décembre, après que les médias sont emparés de l'affaire, on apprend que Mahdi Hashi se trouve à New York parce que les autorités américaines l'ont secrètement transporté de Djibouti où il a été torturé et où il a été forcé de voir d'autres personnes se faire torturer. Les autorités américaines l'ont simplement mis dans un avion, envoyé aux États-Unis, et maintenant tout ce qu'on sait c'est qu'il risque 30 ans de prison minimum ou prison à vie, à l'isolement total. Donc ce que je voudrais pointer du doigt, c'est comment se fait-il que presque au même moment, au moment où il est kidnappé, les autorités britanniques décident de retirer sa nationalité. Comment ça se fait? C'est notre point de vue que les autorités britanniques étaient au courant et pour se laver les mains de Mahdi Hashi, ils ont simplement retiré sa nationalité. Quand vous n'avez plus de nationalité, il faut savoir que vous n'avez aucun accès consulaire, personne ne va venir vous visiter, vous êtes livré à vous-même. Except, mais Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand des supporters. Donc, ce sont quelques exemples de politiques et de lois qui ont été mis en place en Europe. On peut voir que ce sont des arrestations, ce sont de la torture. Mais Obama, qui lui, en 2008, a dit la guerre contre la terreur, c'était terminée. Ce ne sont que des mots. Guantanamo n'a pas été fermé. Et en fait, il a même aggravé la guerre contre la terreur. À l'époque de Bush, on parlait de détention sans procès. À l'époque d'Obama, maintenant, on parle d'assassinat sans procès. C'est-à-dire qu'il y a un programme secret, enfin, il est secret pour personne, de drones. Les drones sont des avions sans pilote qui sont envoyés pour tuer des individus ou des groupes d'individus. Donc c'est une sorte de mentalité de PlayStation. Vous avez un soldat qui est aux États-Unis, à des milliers de kilomètres du Yémen, de la Somalie ou du Pakistan, qui a sa petite manette et qui voilà, appuie sur un bouton et tue 10, 15 personnes. On nous dit que ce sont ces frappes visent des activistes ou des militants, etc., etc. On se rend compte que la plupart des gens sont des civils qui n'ont rien à voir avec le conflit. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette guerre contre la terreur, elle n'est pas finie. Et en fait, elle devient de plus en plus grave. Et surtout ici, les pays occidentaux sont pleinement complices de ce qui se passe. Quand vous avez quelqu'un, un Européen qui est arrêté au Maroc, en Algérie, en Syrie, n'importe où, dans la plupart des cas, il faut savoir que les services de sécurité occidentaux vont fournir des informations au pays en question, tout en sachant que l'individu va se faire torturer ou est en train de se faire torturer, et vont également recevoir des informations obtenues sous la torture. Et ensuite, ces informations seront utilisées d'une manière ou d'une autre pour placer les gens sous surveillance, pour les arrêter, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui est global. Et les conséquences, ce n'est pas seulement pour les Afghans, pour les Irakiens, pour les Somaliens, pour les Yéménites, c'est quelque chose qui se ressent ici. Et on a énormément, vous savez, énormément de frères qui sont en prison, que ce soit en France, en Belgique, au Royaume-Uni. Et c'est des gens qui ont... On a tendance, parce que premièrement, ils sont en prison, et la prison, c'est quelque chose de tabou dans notre société. Et en plus, on a mis un label sur eux. Ce sont des terroristes, ce sont des extrémistes. Donc on a tendance à se retirer, on n'a rien à voir avec eux. Le hadith avec lequel j'ai commencé, c'est une obligation, fard kifaya. C'est-à-dire que si on ne s'acquitte pas de cette obligation de travailler pour obtenir la libération des prisonniers musulmans, la Ummah tout entière est dans un état de péché. Donc on doit s'acquitter de cette obligation. Donc là, après avoir dit tout ça, et je pense que le frère en dira plus, c'est que faire ? Parce qu'on sait, on connaît la situation est mauvaise, les musulmans sont soi-disant faibles, mais que faire ? La première des choses, c'est de se référer au Coran et à la Sunna. Et si vous prenez le surat Al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala 16, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ibn al-Qayyim explique que vous avez là la procédure à suivre. إلا الذين آمنوا, c'est-à-dire la première chose c'est de croire, la première chose c'est de savoir. Donc on a ce devoir de s'informer de la situation. Il a l'adina amanu wa amilu. Lorsqu'on a cette science, lorsqu'on a ce savoir, on doit l'appliquer. Il a l'adina amanu wa amilu salihat wa tawassu bil haqq. Et ensuite on doit appeler les gens à cette vérité. Wa tawassu bil sabr. On doit le faire avec patience. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. 11 ans à Guantanamo, malgré toutes les campagnes, malgré les efforts des musulmans, des non-musulmans, etc., etc., Guantanamo est toujours ouvert. Ce n'est pas quelque chose qui va être résolu du jour au lendemain. Donc on a besoin de cette patience. Ensuite, juste pour conclure, il y a des choses très très simples à faire. La première des choses, et c'est la chose la plus importante, Ad-Dua. C'est l'arme du croyant. Et les frères et sœurs ont besoin de nos doigts. C'est pas une solution de facilité. C'est la première des choses et ça doit être fait. Une doigt peut changer beaucoup plus que des campagnes, des lettres, des pétitions, etc. Une doigt acceptée, les frères qu'on pense ne seront jamais libérés peuvent pas être libérés demain. La deuxième des choses, alhamdoulilah, il y a des organisations, il y a des actions qui sont faites pour aider les frères. Donc vous avez l'organisation Sanabil, alhamdoulilah, vous pouvez leur donner de l'argent, vous pouvez écrire des lettres. L'organisation Cage Prisoners, si vous voulez vous informer, si vous voulez faire des actions, etc., etc. Il y a des actions que vous pouvez faire avec votre argent, avec votre temps, avec vos compétences. Donc il y a des choses à faire. Le plus important, si on est sincère dans ce qu'on dit, dans ce qu'on croit, dans ce qu'on fait, nos doigts doivent être suivis par des actions. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik. Donc nous allons inchallah passer au témoignage de notre sœur, l'épouse du frère Nizar Trabelsi. Donc vous connaissez tous. Vous savez tous dans quelle injustice il est emprisonné, tout le temps forcé de se déplacer d'une prison à l'autre sans aucune raison valable. Donc Inch'Allah, elle va témoigner et nous expliquer comment elle vit son quotidien. De Nizar Trabelsi. Je viens vous témoigner de ce qui subit depuis qu'il a été incarcéré en 2001. Donc je vais commencer par son régime. Donc ce régime, les temps d'isolement depuis le début, il n'a pas le droit au prélude avec d'autres détenus. De temps en temps, ce sont des détenus sélectionnés, mais en réalité, donc il n'y a pas droit. Le sport, c'est pareil. Donc, les visites sont limitées. Bon, les visites, c'est juste les avocats, moi-même, donc les enfants. Donc, je disais, mon mari est en isolement depuis qu'il a été incarcéré, donc en 2001. Donc, il n'a pas droit au préau avec d'autres détenus. Le sport, pareil. De temps en temps, ça dépend des établissements où il se trouve. Donc, alors, il y a des détenus qui sont sélectionnés. Mais donc, en réalité, donc, il est seul, quoi. Donc, il est en isolement. Donc les visites sont limitées, donc moi, les enfants, donc les avocats. Le téléphone, ils sont accordés, évidemment, avec quelques numéros qui sont autorisés, sont encodés. Donc c'est évidemment le numéro de sa maman, de sa sœur, moi-même, et alors les avocats. Alors pour l'ouverture de sa cellule, maintenant actuellement elle est en prison de Mons, il doit avoir toujours donc 3 agents. Donc c'est stressant pour lui, humiliant, parce qu'il doit téléphoner, il ne peut pas sortir de sa cellule s'il n'y a pas 3 agents pour l'accompagner, même pour la visite. Et comme les agents ne sont pas tout le temps disponibles parce qu'il y a beaucoup de travail, donc il doit attendre. Donc, même si son régime n'autorise que d'aller au préau, il faut savoir que à la prison de Mons, où il est maintenant, il ne va pas depuis, ça fait maintenant quoi, plusieurs semaines qu'il n'a pas mis donc, le pied dehors. Et pas de sport, ça fait plusieurs mois. Parce qu'avant Mons, il était donc à Lantin avant ça, c'était à Sept. donc n'a pas eu de sport du tout. Et bon, cette journée, c'est, ben, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Donc en isolement, ben, c'est Alhamdoulilah, c'est le Coran, bon, la prière. Donc son transfert depuis qu'il a été incarcéré, donc il a subi plus ou moins 53 transferts. Donc 53 transferts. Donc les conditions de son transfert, c'est quoi? C'est les mains, les jambes entravées, donc des lunettes de ski qui lui sert très, très fort à la tête, un casque, on lui met un casque avec de la musique avec le son à fond, donc de la musique techno. Et une fois que c'est retiré, donc là encore, c'est, je veux dire, la musique tourne encore sans cesse dans sa tête et qui lui fait très mal donc à la tête parce qu'il a des problèmes de santé aussi. Donc problèmes de santé, donc là, ça fait plusieurs années qu'il souffre de migraines. Et évidemment, il n'a pas été soigné parce que ça demande un scanner, ça demande pas mal de conditions pour le mettre dans un endroit comme à l'hôpital. D'une prison, c'est pas évident pour lui. Alors, sa santé, donc, comme je vous explique, donc, migraine depuis plusieurs années, il souffre de l'ulcère, donc il vomit de temps en temps donc, du sang. Donc, des problèmes aux jambes, des douleurs aux jambes, ben, c'est normal parce qu'il n'a pas d'activité, donc maintenant il a des problèmes aux jambes. Donc, il y a plus ou moins 2 ans, il a eu une prise de sang donc, à la prison de Nivelles. Et donc, ils ont constaté qu'il n'avait plus donc, qu'il était en manque très fort de vitamine D. Il n'est pas exposé au soleil, donc. Normalement, dans ce régime-là, la loi dit qu'il doit voir un médecin une fois par semaine. Enfin, une fois par semaine, le médecin doit aller le voir, l'examiner. C'est qu'en réalité, c'est faux, quoi. Donc, comme vous le savez, donc, il a fini sa peine maintenant depuis à peu près plus d'un an. Et comme il y a un mandat d'arrêt donc, vers les États-Unis, donc il est encore détenu. Enfin, le gouvernement belge n'accepte pas sa libération. Donc, on va dire, bon, moi j'appelle ça, mon mari pour l'instant, pour moi, c'est un otage, quoi. On a saisi à plusieurs reprises, donc on a fait une demande à plusieurs reprises de libération, évidemment qui a toujours été rejetée. Et la motivation de ce refus, c'est toujours la même chose, c'est qu'ils sont persuadés qu'il va être extradé, que la Cour européenne va accepter son extradition, et qu'un risque de fuite, un risque de quitter, donc de fuir le territoire belge. Donc, moi, comment je vis ça, c'est clair, c'est une injustice. Maintenant, je connais tous les coins de la Belgique parce que je le suis une fois transférée donc, en Flandre, et puis en Wallonie, au Hainaut, toujours aussi loin de Bruxelles. Et pourtant, à plusieurs reprises, on a fait les avocats et moi-même une demande de le rapprocher de Bruxelles pour faciliter donc. Le trajet pour moi, pour les enfants, mais comme disent les avocats, je pense que c'est la raison, ils ne veulent pas, c'est l'éloigner donc de la famille, le fatiguer psychologiquement, fatiguer la famille, et on se dit pourquoi tout ça, quoi. Je ne sais pas comment vous avez... les transferts, ce que disent les motivations de ces transferts, risque d'évasion. Enfin, c'est le refrain que depuis plusieurs années, c'est qu'il y a toujours avec Nizar Travici, risque de rumeur d'évasion, qu'il est dangereux. Donc, mais il n'y a rien qui est fondé, c'est toujours basé sur des rumeurs. Hein. Rien qui est fondé, c'est des rumeurs. Alors, avec ça, ils justifient leur transfert, son isolement et tout le reste. Barakallahu fikoum. Je suis désolée, je suis mal à l'aise, mais Voilà, j'ai un peu résumé plus ou moins ça cette façon. Mais Barakallahu fikoum et qu'Allah. Excusez-moi. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله. Alors moi je vous parlais d'une part non négligeable de la question des prisonniers, des oubliés de la Umma, sont les prisonnières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par Allah n'est pas croyant, par Allah n'est pas croyant, par Allah n'est pas croyant. » On lui posa « Qui ça y a Rasulallah ?» Et il répondit « Celui qui passe la nuit rassasié alors que son voisin a faim. » Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle l'importance de se soucier de la difficulté des autres. L'importance de se soucier de la difficulté de celui qui est dans l'épreuve, et notamment celui qui est emprisonné. Notamment celui qui est emprisonné. Et le fait de ne pas se soucier de la difficulté de l'autre, ça peut être révélateur de beaucoup de choses. Et notamment, révélateur d'un manquement dans notre foi, d'un manquement dans notre relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, quiconque se tient regardant celui, un croyant se faire humilier sans l'aider, alors qu'il le peut, Allah l'humiliera devant tout le monde le jour du jugement. Si on en revient à l'histoire, une très célèbre histoire qui portait sur le Mu'tasim Billah, qui était un gouverneur de la dynastie des Abbasides, où les Byzantins avaient emprisonné une femme musulmane, injustement. Cette femme musulmane s'est mise à crier au secours de Mu'tasim. Celui-ci a répondu à des centaines de kilomètres, bien sûr. À des centaines de kilomètres. En effet, un homme a rapporté notamment les faits au gouverneur. Le Mu'tasim Billah, par une simple menace, a fait trembler le roi romain, qui a libéré la femme directement. Vous imaginez, il l'a envoyée directement à Bagdad et il s'est excusé auprès de le Mu'tasim pour l'avoir emprisonné injustement. Une seule femme emprisonnée, une seule menace, et la femme est libérée. En ce qui concerne maintenant la situation plus récente et la situation actuelle, d'ailleurs, je pourrais citer Adeline Nischer qui a été libérée récemment, qui est une victime des lois antiterroristes, dont vous pouvez découvrir après la biographie dans les chroniques qui sont affichées dans la salle à côté, qui disait à juste titre « Personne ne peut s'imaginer les affres de la détention. Ce sont des familles brisées, ce sont des couples désunis, des épouses qui pleurent dans les parloirs et des mamans qui ne mangent plus. » Rien que cette phrase nous montre toute la dureté et la souffrance que subissent les membres de la famille des prisonniers. Alors il y a les mères, il y a les sœurs, il y a les frères, il y a tout ça. Et Inch'Allah, l'association Sénabel va en discuter longuement après. Quant à moi, je vais m'intéresser principalement aux prisonnières en tant que telles, les victimes même de l'oppression, de la détention. Combien sont nombreuses celles qui nous ont appelées à l'aide avec leurs cris de détresse, notamment en Tchétchénie, qui sont dominées sous les jougs de l'oppresseur? Car il n'y a pas seulement des femmes qui sont entre quatre murs, mais également des femmes dominées. Combien sont-elles, toutes ces femmes qui sont violées, des sœurs humiliées, torturées, et on verra des cas vraiment très poignants, et brisées dans leur chair, dans leur dignité de femmes musulmanes. L'on sait comment aussi le viol est utilisé par notamment les tortionnaires comme une forme de destruction massive de toute une communauté pour atteindre, pour déshonorer, pour humilier toute une communauté. Et cette dignité de musulmans et de musulmanes est celle qui est justement atteinte à travers les différentes violences faites aux prisonnières et aux prisonniers dans les geôles du monde entier. Nous avons tous vu, toutes et toutes vues, toutes ces photos insoutenables dans la très célèbre prison, notamment de tristement célèbre d'ailleurs, prison d'Abu Ghraib, où nos frères et sœurs sont faits torturer et humilier de manière extrêmement violente, tant physiquement que moralement. Moralement dans le sens où d'ailleurs le sens est poussé à l'extrême, quitte à même faire intervenir des femmes dans des pratiques obscènes de torture, dans le but d'écorcher leur honneur d'hommes musulmans. Ce n'est donc plus les hommes que l'on attaque, mais c'est bien l'islam qu'on massacre. C'est bien l'islam qu'on massacre et l'honneur que l'islam porte aux musulmans. Et tous ces viols que subissaient nos sœurs, justement, visaient justement à humilier l'homme spectateur. Car effectivement, les viols étaient perpétrés devant les proches. Et l'homme spectateur qui regarde ça et qui ne pouvait rien faire pour défendre l'honneur de sa femme. Et si les images d'Abu Ghraib nous ont tous révoltés, alors que devons-nous sentir pour tous ceux qu'on n'a jamais vus et dont on n'a pas connaissance? Et si ça a été fait à des hommes, alors que penser, justement, imaginer ce qu'on a pu faire aux femmes. Imaginez ce qu'on a fait subir aux gardiennes de la foi. Imaginez ce qu'on a fait subir aux mères de la résistance, à toutes nos sœurs. Par Allah, nos cœurs, normalement, devraient saigner pour toutes ces femmes et ces hommes. Et souvenez-vous de ce qu'a fait le prophète Salah, c'est l'homme, justement, où un jour, une femme, elle était chez un bijoutier juif de Banu Qaynuqa, la tribu de Banu Qaynuqa, et celui-ci l'a découverte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir été au courant de ce fait-là, a complètement rompu le pacte qui liait, le pacte de cooptation qui les liait avec cette tribu-là. Pour un acte qui est complètement anodin à nos yeux, qui nous paraît complètement anodin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a complètement rompu tout lien. Et pour citer maintenant, je vais finir avec quelques cas plus spécifiques d'oubliés de la Oumma, plus actuels d'ailleurs. Je vais citer quelques cas et expliquer notamment. Alors l'une d'entre elles, c'est Doha El Abou Tawbit, qui est franco-marocaine, accusée d'avoir envoyé de l'argent à son frère qui s'est fait tuer en Irak en 2008, sans qu'elle n'en ait eu connaissance de ce qu'il a fait de cet argent-là. Elle fut arrêtée avec son mari en 2009 dans la prison de Salé au Maroc, violemment torturée à plusieurs reprises. Cette affaire d'ailleurs est suivie par l'association suisse Al-Karam, qui est intervenue au sein des autorités marocaines en raison des graves violations des droits de l'homme, des droits fondamentaux. On peut citer aussi Badria Abou Memri, qui est libanaise, d'origine libanaise, détenue depuis 2010 à Beyrouth, sans aucun fondement juridique, comme la plupart d'ailleurs. Elle déclarait lors d'un interrogatoire qu'elle a été battue et humiliée par une méthode de torture qui oblige le détenu à se courber avec les poignets attachés à une barre placée derrière les genoux et à laquelle elle est pendue avant d'être battue brutalement. Elle porte encore les traces de cette torture et ne connaît toujours pas ses chaînes d'inculpation. Alors je vais poursuivre avec un cas bien plus poignant et un cas plus connu, tristement connu, c'est le cas d'Afia Siddiqui. Afia Siddiqui, d'origine pakistanaise, mère de 3 enfants, docteur en neurosciences à l'Institut du Massachusetts, connue notamment pour ses engagements dans la communauté musulmane, elle trouva le temps pour ses activités, ses consultations et ses 3 enfants. Et malgré tout, elle trouva le temps pour militer pour la cause de la Oumma, malheureusement qui ne l'a toujours pas remis. Elle a été arrêtée à Islamabad avec ses 3 enfants, puis enlevée en Afghanistan en 2003, où l'on perd complètement sa trace. Elle a été détenue à Bagram, la prison de Bagram, en Afghanistan, pendant 5 ans, torturée psychologiquement et physiquement, violée, humiliée. Elle est ensuite transférée à New York en 2010, et où elle a été accusée récemment, condamnée à 86 ans de prison. Ses chefs d'inculpation, simplement pour soi-disant avoir menacé et tiré sur un de ses interrogateurs. Ce que peu de gens savent, c'est tout ce qu'elle a subi devant l'œil, sous ses yeux, c'est la torture de ses enfants. Ces deux autres enfants souffrent toujours psychologiquement à cause de leurs longues années passées dans les geôles américaines. Et je finirai avec un cas bien plus proche de nous, c'est le cas de Malika El Haroud. Malika El Haroud, belgo-marocaine, fille d'immigrés, arrêtée tout d'abord en 2003 dans la justice belge, et condamnée pour simplement être l'épouse de celle qui a tué le commandant Massoud. Elle a été relâchée, faute de preuves. Et puis, encore arrêtée en 2005. Puis en 2007, par un tribunal suisse, qui a d'ailleurs demandé récemment son extradition. Le tribunal suisse a d'ailleurs récemment, il y a quelque temps, demandé l'extradition de Malika en Suisse. Il n'y a toujours pas de réponse. Et elle refuse. Elle a refusé. Elle sera relâchée et encore condamnée le 10 mai 2009, dans laquelle notamment plusieurs frères sont dans le procès notamment. Elle est restée seule, malheureusement, pas de soutien, très peu de soutien, et condamnée par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour 8 années. Elle a fait appel après un tiers de son mandat qui a été refusé. Elle a été également accusée d'être dans le complot avec Nizar Trabessi. Actuellement, elle est toujours à la prison de Forêt, où, dans des conditions d'isolation extrêmement difficiles, elle est notamment en train d'écrire un livre, qui est la suite de son livre, qui est Le Soldat de Lumière, qui était son premier livre. Là, elle est en train de poursuivre. Et elle a dit que le Soldat de Lumière n'était qu'une introduction. Et voilà, je vous invite, mes frères et sœurs, à vraiment considérer la question, bien sûr, les prisonniers de manière générale, mais aussi nos sœurs, parce que, comme je l'ai dit, donc, revêtent une importance fondamentale, comme toutes les autres. Et je finirai avec ce hadith, à considérer notamment, je vous invite aussi à considérer le niveau d'atteinte de la Oumma, au point même. Et je finirai avec un hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: l'image des croyants dans les lieux d'amour, liens d'amour, de miséricorde, de compassion qui les unissent les uns aux autres est celle du corps. Dès que l'un de ses membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps accourt à son secours par la veille et la fièvre. Aujourd'hui, ce mal est tel une grande gangrène et en train de se répandre sur tout le corps. Voilà comment on fait. Barakallahu fik à notre sœur pour cette intervention pour le moins émouvante. Espérons, Inch'Allah, qu'on ne s'arrêtera pas à ces émotions passagères et qu'on passera à l'action, Inch'Allah, en mettant tout en œuvre pour venir en aide à nos sœurs et frères emprisonnés, Inch'Allah. Un petit point que j'avais oublié de citer lors de ma présentation, enfin lorsque j'ai présenté le programme, il s'agit de la partie questions-réponses qui va avoir lieu maintenant, Inch'Allah. Il va y en avoir deux. Une maintenant et donc une à la fin de la conférence. Et aussi un point, c'est que il y a un frère qui s'appelle Hamza qui était emprisonné également, qui va venir témoigner, Inch'Allah, après l'intervention de notre frère Bilal de Senabil. Donc voilà, maintenant ça va être la partie question-réponse. Dans ma vie, une question du cas de M. Trabelsi. Je voulais savoir si on avait des nouvelles au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, si elle avait statué ou des choses qui étaient en cours vis-à-vis de son cas. Bah, pour l'instant, son dossier, on attend la réponse de la Cour européenne. Donc, le gouvernement belge a répondu à quelques questions à la Cour européenne. Maintenant, c'est la défense et on attend ces prochains mois. Peut-être, on ne connaît pas les délais. Donc, on ne sait pas si la réponse serait l'acceptation, donc la recevabilité du dossier. Ou bien alors une réponse directe sur l'extradition, l'annulation, je ne sais pas. On n'a pas de délai, ça peut durer quelques semaines ou quelques mois. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Su'alou mouja ila l'akh Moussa, Inch'Allah. Hal ta'arrada ahlukoum ila dhoghoutat min taraf al-police intelligente ou moukhabarat européenne? Est-ce que tu peux traduire, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, ma question est au frère Moussa, Inch'Allah. On voulait savoir si votre famille a subi des pressions venues de la part de la police belge ou d'autres certains services européens ou américains. Assalamu alaikum. على الأقارب مثلا كانوا لا يستطيعون أن يتكلموا عن قضيتي. Oui, il y avait des pressions sur la famille concernant mon affaire. من ناحية أن أغلب المحامين لما كانوا يتكلمون معهم عن قضية غوانتانامو كانوا يتهربون من الدفاع مثلا. Et la majorité de ceux qui devaient répondre et ils n'arrivent pas à répondre, ils s'enfuient de la réponse. هذا من ناحية. أما مثلا جاءوا إلى مثلا كانوا يحققون مع الأقارب مثلا أو كان تفتيش في البيت أو حدث مرة. Ils font des interrogatoires avec la famille, ils fouillent la maison de la famille. Et comme ça, certaines pressions exercées sur ma famille. Et de cette façon, certains parmi eux étaient prisonniers au Maroc. Et c'était à cause de ces pays qui envoyaient des mandats de recherche et de faire de la pression. هذا هو أما من ناحية هذا هو كان السؤال صحيح؟ C'est ça la réponse à votre question. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم pour vos interventions très enrichissantes. J'ai une question pour le frère Arnaud Anouar de Cave Prisoners. Je voulais savoir si tu pouvais faire des liens entre la structure des lois antiterroristes aujourd'hui et la question de la haine anti-musulman qu'on voit à travers les législations sur le voile, le niqab, etc. Est-ce que tu vois un lien entre la façon dont on emprisonne les musulmans, entre les guerres qu'on cause dans les pays musulmans et dans cette haine que l'on voit tous les jours à la télévision, à la radio et dans les journaux contre les musulmans? Et est-ce que aussi, est-ce que tu vois un lien avec les pratiques coloniales que les pays occidentaux avaient en Algérie, dans le Maghreb, en Indochine, etc. Ok, déjà, avant de trouver un lien, il y a un point commun, par exemple, avec l'interdiction du niqab et l'emprisonnement de musulmans sous le prétexte de la lutte antiterroriste. On vous dit en France, en Belgique, vous avez la liberté religieuse, etc. etc. Quand il s'agit du niqab, si vous lisez les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, qui parle du hijab. On vous dit que le hijab, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la démocratie, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la dignité de la femme, etc., etc. Sur d'autres sujets, par exemple sur la liberté sexuelle, ou la soi-disant liberté sexuelle, sur le changement de sexe, etc., etc., on vous dit on doit promouvoir l'autonomie personnelle. C'est-à-dire, quand ce sont des femmes musulmanes, il n'y a pas d'autonomie personnelle, elles ne savent pas ce qui est bon pour elles. Quand ce sont d'autres sujets, à ce moment-là, oui, il faut promouvoir ça. Donc ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, c'est que c'est une lutte idéologique. C'est-à-dire qu'on va appliquer ces valeurs, ces soi-disant valeurs, à certains cas, mais pas à d'autres. Et vous vous rendez compte que bien souvent, quand ce sont des musulmans, soit des femmes musulmanes qui choisissent de se voiler, ou des femmes musulmanes qui choisissent de porter le niqab, ou des frères ou sœurs qui sont accusés de terrorisme, ces valeurs-là, on va pas les appliquer. Ensuite, en ce qui concerne le lien avec l'époque coloniale, vous vous rendez compte que, comme je l'ai dit, George Bush a dit « cette croisade prendra du temps ». C'est-à-dire que la mentalité, c'est celle-là. On nous dira que non, c'est pas vrai, c'est pas une lutte contre l'islam, on n'a rien contre les musulmans, etc., etc., mais c'est purement idéologique. Et vous prenez ce qui s'est passé en Algérie, la torture, les arrestations massive, sans procès, c'est exactement ce que vous retrouvez. Si vous regardez même les techniques de torture, vous vous rendez compte que ce message qu'ils ont appris des pays soi-disant musulmans. Un frère de Guantanamo me disait comment est-ce qu'ils savent que si vous rentrez dans la cellule, vous jetez le courant par terre, ça va vous rendre fou. C'est quelque chose qu'ils ont appris des Marocains, des Algériens, des Jordaniens, des Égyptiens, tout ça. Donc l'idéologie, la mentalité est la même, définitivement. Et ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la même logique. Récemment, on m'a dit que soldats d'origine latine aux États-Unis qui ont servi à Guantanamo, en Irak, en Afghanistan, etc., on leur a remis une médaille, et c'est la médaille de je ne sais plus qui. Et son surnom, c'était l'égorgeur des morts. Les morts, c'est les musulmans. Donc vous voyez, cette idée de croisade est là de tout le temps. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. Juste, j'aimerais dire, les personnes qui veulent poser des questions par écrit, il n'y a pas de problème. Ma question s'adresse toujours au frère Arnaud pour remonter parce que vous disiez, Inch'Allah, ce qu'on reproche aux musulmans, c'est pas le fait de porter d'aller porter des armes, c'est pas pour une cause, c'est vraiment le fait de porter des armes pour la cause islamique, en fait. Donc ma question, en fait, c'est vraiment un problème, c'est vraiment une guerre idéologique, en fait. Dans beaucoup d'affaires, vous vous rendez compte, on n'en est même pas arrivé au niveau de porter des armes. J'ai travaillé là, principalement sur les affaires en France, vous vous rendez compte que c'est pas des gens qui sont partis, ou c'est des gens qui ont peut-être envoyé de l'argent à un membre de leur famille qui étudiait l'arabe à un moment en Syrie, en Égypte, etc., etc. Mais la plupart du... Là, si vous lisez par exemple les livres de Jean-Louis Bruguière, qui est le juge, l'ancien juge antiterroriste, il a écrit sa biographie. Vous lisez le livre d'Alain Chouet, qui est l'ancien chef de la DGSE française. Il vous explique très bien quelle est la nature des lois antiterroristes. C'est de prévenir quiconque, mais juste en pensée, pourrait penser à quelque chose. Le but, c'est ça. Donc on n'est plus dans les on n'est pas du tout dans la préparation d'actes. D'ailleurs, c'est au point de vue légal, normalement, on vous arrête pour une tentative. Une tentative, par exemple, vous voulez, si vous préparez un vol, par exemple, vous achetez une échelle. Acheter une échelle en soi, ça n'a rien de criminel. Avec cette association de malfaiteurs, acheter une échelle en soi, ça devient criminel. Vous comprenez la logique? C'est-à-dire que le niveau de preuve est tellement bas que pratiquement tout le monde, peut ou musulman pratiquant, pourrait être suspecté. Et la plupart du temps, si vous regardez les affaires, on leur met pas 10 ans, on leur met pas 20 ans, on leur met pas 30 ans. Vous regardez bien, ils vont passer 2-3 ans en provisoire. C'est le cas d'Adlan Hichard, par exemple, en France. Il a passé 2 ou 3 ans en détention provisoire. Partout dans les médias, on vous annonce Adlan Hichard, 6 ans de prison. Il a été relâché, je crois, 2 semaines après l'appel. Pourquoi? Parce qu'on leur met une peine de prison qui va couvrir la détention provisoire. C'est tout. Même les peines ne reflètent pas les accusations. Et un frère de français qui était à Guantanamo, ils ont été condamnés à 1 an et demi de prison en France. Et déjà, la France est un des seuls pays occidentaux qui a mis en prison les gens libérés de Guantanamo. Et il m'a dit 1 an et demi. Et même un enfant de 5 ans pourrait comprendre qu'on ne condamne pas un terroriste à 1 an et demi. 1 an et demi, c'est pour couvrir la détention provisoire et pour voilà, fin de l'histoire. Mais les frères refusent, ils disent on n'est pas ni des criminels ni des terroristes. Donc c'est sûr et certain qu'il y a cette dimension idéologique. Salam alaikum. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, Jazakum Allah Khair, pour cette conférence qui est très très rare de mes jours. C'est un choix personnel, j'assiste rarement aux conférences par choix. Et celle-là, je suis venu en courant. Parce que je trouve que, mashallah, c'est ce qui sert, c'est ce qui est utile aujourd'hui. Et ce genre de choses, on n'entend vraiment pas dans les khutbas ni dans les jumu'ah. Donc, subhanallah, Jazakum Allah Khair pour ça. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Et qu'il n'y a qu'avec ce genre d'initiative que la Oumma peut se réveiller, que les consciences peut-être. On peut se réveiller juste avec ce genre de conférence, subhanallah. Je vais juste répondre au frère, là, juste à côté, qui parlait des pressions subies par les détenus, etc. C'est une évidence. On n'a même pas conscience de la pression que peuvent subir les détenus. Il faut juste, par observation, je viens de passer par la place ici à Molenbeek. Et subhanallah, cette initiative ici, c'est une initiative de paix, de solidarité, etc. Et ils se sont rassemblés, c'est les RG, les services de renseignement. Je ne vais pas polémiquer, je vais juste renseigner les musulmans qui se trouvent dans la salle. Donc subhanallah, donc c'est juste pour vous, pour voir la force qu'ils ont, juste pour une conférence qui est une conférence de paix, de solidarité, de témoignage. Subhanallah, ils déploient une force incroyable. Donc au-delà de ça, ma question s'adresse directement aux associations. Donc il y a 2 détenus qui me tiennent à cœur, qui n'ont pas été cités, il y en a d'autres, mais il y en a un plus ancien de par son âge déjà, et du temps de sa détention, c'est dans les années 80, qui est cher Omar Abdelrahman. Donc je cite son nom, lui et Moussaoui, qui est un franco-marocain, qui est détenu, donc je cite leur nom juste par solidarité et une pensée pour eux. Donc c'est la question en fait, pour les associations, y a-t-il des contacts de sa détention, qu'est-ce qu'il est devenu par rapport à tout ça, quoi. Donc, si quelqu'un peut répondre, donc, par rapport à Cheikh Omar Abdelrahman, de par son âge, de par sa santé, si quelqu'un sait nous donner des renseignements là-dessus, ce serait bien. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. La première des choses pour répondre au RG, etc., etc., tout ce qu'on dit aux autorités, c'est vous avez des accusations, présentez vos preuves. Pourquoi créer des lois différentes? Pourquoi régler ces histoires derrière des porte-clés, etc. Tout ce qu'on dit, c'est amenez vos preuves, si vous êtes véridique. Donc c'est... Mettez les gens devant... un procès équitable, et voilà. Ils vous répondront, vous direz ce que vous avez à dire, etc. En ce qui concerne Cheikh Omar Boudahman et Moussa, ce qu'il faut savoir, c'est que les prisons américaines, la plupart des musulmans sont détenus ils appellent ça CMU, c'est-à-dire des unités où la communication avec l'extérieur est réduite à néant. C'est-à-dire que même pour leur famille, c'est difficile de les contacter. La plupart des musulmans soi-disant accusés de terrorisme sont détenus dans ces unités. Et c'est des unités qui auparavant étaient utilisées pour les Black Panthers, pour les militants noirs, etc. etc. Pour Cheikh Omar, le président Morsi a dit qu'il souhaitait négocier son retour en Égypte. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des gens qui ont été condamnés. Quand vous avez une condamnation aux États-Unis, voilà, c'est pas comme dans les pays arabes où le roi va signer un papier pendant le ramadan et relâcher tout le monde. Il y a des choses qui sont faites, mais c'est très compliqué, pour être honnête. Surtout parce qu'ils sont dans ces unités où même les familles reçoivent des appels au compte-gouttes. Cheikh Omar Abdelrahman, il a écrit une lettre dans laquelle il dit qu'il est aveugle, Cheikh Omar Abdelrahman. On lui empêche la lecture, on lui empêche des gens qui soient là pour lire des livres avec lui ou pour écrire. Et comme on sait qu'il est musulman, chaque fois, chaque jour, on lui fait des fouilles à nu très poussées. Et il a écrit, le Cheikh Omar Abdelrahman, que chaque jour qu'il y a ces fouilles-là, il voudrait que le sol s'effondre sous lui et qu'il soit happé par la terre. Et c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui, et même si le président Morsi a fait quelques gesticulations à gauche, à droite, je crois que Allah est le meilleur garant. Mais pour le moment, sa situation est très difficile, et il est vraiment difficile d'imaginer qu'il soit libéré prochainement. Pour Allah, Allah. Assalamu alaikum. Moi, j'aurais deux petites questions au frère Arnaud. La première, c'est quelles sont les techniques, je vais revenir en amont en fait, quelles sont les techniques de la DCRI, des services secrets, par exemple pour chercher les profils terroristes entre guillemets. Ça c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce que les lois sont-elles modulables à souhait lorsqu'il s'agit de l'islam? Juste une petite précision, Inch'Allah, c'est la dernière question. Après, on passera à la pause et on reprendra juste après, Inch'Allah. Je vous expliquerai comment ça se passera, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Ok, alors pour les techniques, les services de sécurité, je n'ai pas de contact avec eux, donc je n'ai pas trop de renseignements. Mais ce qui est sûr, c'est que quiconque est activiste, proche d'une association musulmane, va être sous le radar d'un moment ou un autre. Je sais qu'ils ont différents fichiers. Un fichier qui s'appelle Christina, par exemple, si vous êtes sur Internet, vous trouverez quelques renseignements. Je sais que les gens qui vont au Hajj, par exemple, sont atterris sur ce fichier. Mais aussi, souvent, on interroge quelqu'un dans un autre pays, on va avoir un nom, etc., etc. La deuxième question, c'était les lois, est-ce que les lois sont modulables? Souvent, ce sont des lois qui ont une origine. Par exemple, en France, cette loi-là, c'est une loi qui est ancienne. À la base, c'est une loi qui a été créée pour les anarchistes. Et vous avez à l'époque Léon Blum, qui était président de la France, qui a écrit un pamphlet contre ces lois. C'est des lois liberticides, etc. etc. Mais avec cette guerre contre la terreur, On a aggravé ces lois encore et encore, on a rabaissé le niveau de preuve, etc. etc. question. Ensuite, est-ce que c'est modulable à souhait contre les musulmans? La réponse, c'est pour être honnête. C'est aux musulmans aussi de faire quelque chose. On a entendu énormément d'histoires tristes, etc., etc. Mais on ne peut pas rester sans réagir, sans rien faire, etc., etc. Il faut en prendre conscience. Beaucoup de gens n'ont pas conscience que c'est un système, qu'il y a des lois qui sont faites dans ce sens, etc., etc. Donc il faut en prendre conscience et ensuite il faut essayer de voir ce qui peut être fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas s'attrister. Okay, ils sont contre nous, ils sont contre l'islam, ils sont contre les musulmans. Il n'y a rien à faire. Là, si on regarde la vie du prophète, les compagnons n'ont jamais réagi comme ça. Donc oui, les lois sont modulables à soi, il suffit de s'asseoir au Parlement et un amendement, etc., etc. Mais c'est aux musulmans de réagir. Salam alaikum, c'est juste deux dernières questions. Je voulais savoir par rapport aux deux associations Sanabit, si j'ai bien entendu, et Cash Prisoner, pour savoir si vous avez une certaine légitimité par rapport à d'autres associations qui existent comme Amnesty International, si vous êtes tout aussi reconnu qu'eux. Enfin, je ne parle pas par rapport à nous, sinon on sait très bien, on a totalement confiance en vous, mais si vous êtes perçu comme une sorte d'organisation un peu marginale ou si vous êtes vraiment reconnu. Et deuxième question, c'est par rapport quelles sont les aides que vous apportez aux familles des détenus. C'est juste pas très informatif, quoi, juste pour savoir qu'est-ce que vous leur apportez, une aide financière, morale. Enfin, voilà. Pardon. Je pense pour la deuxième question, pour l'aide financière apportée aux familles, je pense que Sanabé va en traiter lors de leur intervention. Et en ce qui concerne la légitimité de Cage Prisoner, déjà il faut comprendre ce que c'est que Cage Prisoner. C'est en réaction à cette guerre contre la terreur, des musulmans britanniques sont mobilisés, sont organisés, ont créé cette organisation. Donc c'est la réponse de ceux qui sont visés. Si vous allez dans toutes ces conférences sur Guantanamo, sur Bagram, etc., etc., vous vous rendez compte que la plupart des gens ne sont pas musulmans. C'est-à-dire que ceux qui devraient être assis à la table des débats, ceux qui devraient parler, ils sont absents. Donc c'est ce que Cage Prisoner essaie de faire. Notre slogan, c'est donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Donc rien que donner la possibilité aux familles de donner leur version des faits, c'est quelque chose qui est en soi un apport. En ce qui concerne la légitimité, alhamdulillah, les avocats travaillent avec nous, les journalistes travaillent avec nous. Ensuite, c'est sûr qu'il y a certains blogs, certaines organisations ouvertement sionistes, pro-Israël, islamophobes, qui sont contre nous et qui vont nous mettre un label. Mais nous, notre message, il est clair, notre site internet, il est là. On défend le droit au procès équitable. Comme j'ai dit, vous avez des accusations contre les gens, amenez vos preuves et traitez-les avec équité. C'est tout ce qu'on a à dire. Ensuite, pour l'aide, comme j'ai dit, nos objectifs, ce n'est pas une aide financière, ce n'est pas une aide matérielle, c'est plus une aide au niveau de mettre en lien, en relation les familles avec les avocats, les médias, etc. C'est-à-dire que souvent les familles, quand quelqu'un est arrêté, la famille est isolée et c'est pas exactement comment le système marche. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est au minimum recueillir leurs témoignages pour que leur voix soit entendue. S'il y a une possibilité de les mettre en relation avec des avocats compétents, parce que tout avocat ne connaît pas les lois antiterroristes, donc vous pouvez vous retrouver avec un avocat qui est peut-être un bon avocat en ce qui concerne le divorce, mais quand vous êtes accusé de terrorisme, ça ne vous sert pas à grand-chose. Et ensuite, les journalistes, les médias jouent un rôle énorme dans les affaires antiterroristes. C'est eux qui relayent des fausses informations. Et la plupart du temps, ils relayent la version des services de sécurité ou la version officielle. Donc, essayer de trouver des gens plus ou moins de confiance qui peuvent donner la version des familles. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire en priorité. Il y a deux questions qui sont venues par écrit. Pourquoi tous les pays musulmans ne prennent pas des mesures contre Guantanamo où les musulmans sont innocents? Parce que la première chose, c'est que beaucoup de ces pays, soi-disant musulmans, ont été complices. C'est-à-dire que demander à l'Égypte, demander au Maroc, demander à la Jordanie, des bases de la CIA étaient présentes dans tous ces pays. Ces pays ont torturé, ont obtenu des soi-disant renseignements, les ont envoyés au service de sécurité américain. Donc c'est paradoxal de demander au bourreau de sauver la victime. Il y a eu quelques changements récemment. En Tunisie, par exemple, la Tunisie a demandé le rapatriement des 5 derniers Tunisiens à Guantanamo. Il y a des discussions en Libye, mais de manière générale, c'est des... Par exemple, si vous prenez le cas des Algériens de Guantanamo, ils sont allés jusqu'à la Cour suprême des États-Unis pour ne pas être envoyés en Algérie, ils voulaient rester à Guantanamo. Pourquoi? Parce qu'ils allaient torturer encore plus en Algérie. C'est-à-dire que les prisonniers vont devant les tribunaux pour rester à Guantanamo. Et donc c'est la raison principale. On ne doit pas attendre l'État. On ne doit pas attendre de l'État de se mobiliser. Si vous prenez par exemple en Angleterre, il y a quelques jours, une pétition, 100 000 personnes ont signé une pétition pour obtenir le retour de Shaker Amir. Donc, Inch'Allah, son affaire va être discutée devant le Parlement. On sait très bien ce que les parlements, les politiques, les cours, etc. Mais il y a des choses qui sont faites. Et là, ce que les frères disent, c'est on a besoin de pression. Donc on ne doit pas attendre des États, on doit s'organiser, les citoyens ou les individus doivent s'organiser eux-mêmes. La deuxième question, what we stand? Que fait-on après la conférence? Quelles actions peut-on prendre pour obtenir la libération des prisonniers musulmans? Ensuite, quand un musulman commet un crime, c'est un terroriste. Quand un non-musulman commet un crime, c'est juste un criminel. Ok, en ce qui concerne les actions, la première des choses, c'est on doit s'éduquer. Comme j'ai dit, alhamdoulilah, quelques années est là, mais c'est en anglais. Il faut que les gens au niveau local, qui sont en Belgique, en France ou dans n'importe quel pays, s'organisent. Par exemple, si vous prenez les Marocains, la situation au Maroc, subhanallah, c'est quelque chose de complètement fou. La torture, les 20 ans pour rien du tout. Alhamdulillah, vous avez des frères, des ressortissants marocains qui ont créé une association qui s'appelle Justice Morocco, juste pour traiter de cette question. Donc c'est à chacun de traiter, de comprendre quels sont les enjeux autour de lui au niveau local et de s'organiser en réponse. Je peux vous dire, allez sur Cage Prisoners, répondez aux demandes d'action. Alhamdulillah, il faut le faire, mais aussi il faut s'organiser au niveau local. On ne peut pas demander à une seule organisation de régler les problèmes du monde. Thank you.